Je suis un de ces destins tragiques que vous ne verrez pas au JT. Mon histoire est courte, celle d'un gamin agité, éjecté. Car le monde autour de moi a jacté. Ouais, je suis un de ceux qui s'injectent, enfin j'étais. Moi, je me suis jeté tout seul dans cette merde, entouré de sales types là, tout cela pour que j'en morde. Putain, j'avais 16 ans et si j'avais su, je serais jamais rentré dans cette soirée poison, à moitié sous la faute à qui. Si, ma bibé, ma ça, v'là les yeux révulsés, entouré de médecins. T'en sois un vif fait, non, j'avais pas besoin de ça, t'sais. Je voulais pas rentrer chez moi, esquiver la vaza. J'ai quitté les lieux, le t-shirt de la veille encore plein de sang. Mais les liens que j'ai tissés avec cette merde sont trop puissants. D'ailleurs, juste en bonne voie pour trépasser. De toute façon, je me suis dit que ma mort passerait inaperçue pour qu'à me percer. Les peines avec la mort, ils me laissaient percer. Tout à l'abstraction, quand la substance se déversait. Et à part ça, tu sais que c'était dur de faire sans. J'ai pas trouvé la force. Si j'étais encore vivant, moi j'aurais honte de ce que j'ai fait. Mais les morts ne ressentent rien là, rien à défait. J'aimerais t'en revenir à l'époque, moi. Ce petit gamin joue plus innocent. C'est pas que cette pute de vie va gifler à vagir. C'est comme ça que j'ai fini la vagie. Mou comme un chewing-gum qu'on a mâché. Le gars au cerf pour filer la vie et ce monde moche. Mais pas de chance pour moi, sans là la mort et des mèches. Je la vois encore s'emparer de moi une fauchée. Cathéter, pique ma chair et rentre. Ça y est, je suis fichu, y'a coulé trop chaud. Mon cœur s'emballe. La vie de mon corps détale, c'est que dans ma bouche remonte la pile. Dernière convulsion, ma traque que je peux me mettre sa folle. C'est la dernière sanction, ma falle comme un pantin sans fil. Je ne suis plus qu'un corps sans vie, la bouche pâteuse. Et à moi tout seul, une pub piteuse. Qu'on cette boucherie qu'à la shooteuse. Merde, qu'est-ce qui se passe maintenant que je suis taillé. J'ai peur, t'as pas aidé. Et d'être raté ne va pas m'aider. Comme un idiot, je croyais au repos éternel. Mais j'ai encore trop l'état d'âme. Et cette putain qui je me martèle. Mal, mal, ça fait mal, putain, c'est mortel. J'entends des rires autour de moi, pourquoi ce martyr. Mais où suis-je, bordel. Notre âme est-elle immortelle. Une sorte de torture mentale, mort. Calme ma mort totalement. Faut-il-moi pour vivre paix fatalement. Rencontre du mal que j'ai fait, faut-il-moi. Que je te voyais dans cet état alarmant. Je pensais crâner, mais j'ai tué le fils de ma mère finalement. L'être d'une anonyme mort sous fond de larmes d'une mère. Anonyme mort, partir l'aune dans la ligne de mire. Anonyme mort sous fond de larmes d'une mère. Que ce son traverse d'une murmure. L'être d'une anonyme mort sous fond de larmes d'une mère. Être anonyme mort, partir long dans la ligne de mire. Anonyme mort sous fond de larmes d'une mère. Elles se sont traversées d'une murmure. L'être d'une anonyme mort sous fond de larmes d'une mère. Être anonyme mort, partir long dans la ligne de mire. Anonyme mort sous fond de larmes d'une mère. Elles se sont traversées d'une murmure. L'être d'une anonyme mort sous fond de larmes d'une mère. Anonyme mort, partir l'eau dans la ligne de mire. Anonyme mort sous fond de larmes d'une mère. Que ce son traverse d'une murmure. C'est ça, tous les anonymes morts. Qu'est-ce que c'est? Une tentative de suicide. Vous le donnez à Simon. Moi je m'intéresse qu'à ceux qui le disent. Je suis un de ces dessins tragiques que vous ne verrez pas au JT. Mon histoire est courte, celle d'un gamin agité. J'ai été, dessin tragique, dessin.